CNX.com. Lundi à CNX.zip. On compresse les chroniques CNX de la semaine du 14 septembre avec Autour du Net, Nouvelles du Futur, Utilitruc et Le Fil. Tout ça en plus des nouvelles sorties de la semaine et de musique de jeux vidéo. C'est à CNX.zip, l'émission la plus geek de la radio. Lundi 10h à C'est fou. Dash.com.